L'armée me connaît militarisé. Au saut de lit, je dis j'en suis. Puis j'ai fait de ma femme ma femelle entre nous. Elle est à rien de nous qui nous sépare. Couler la vie 2.1 en 2048. Objectif premier, trouver de l'or pour être autonome, petit bonhomme. La police est en coordination avec moi, chef lieu du 34, j'opère. Fini le permis B à point, prisage des moteurs de voiture à 110 km à l'heure. Permis de conduire pour les hackers avec un flashback. La Russie, première puissance mondiale, nous a franchi. La guerre est 11 canons, 7 âmes ont fait un vœu trop gros pour notre terre qui a donné lieu à la guerre invisible pour cible. Absorber l'énergie des deux tours pour masquer le pétrole brut pour payer la facture. En Iran, ici Google Maps annonce aucune guerre dans aucun pays, photo de ville. Science-fiction avec l'Ukraine encore qui plante le décor, putain de virus 2.2. Bombes nucléaires trafiquées dans les sous-marins et au centre de notre terre pulvérisée. La bouffée aux bonnes, on se régale, solution trouvée V2. Je me téléporte, nouveau moyen de communication, la 4G télépathie. Petite nouvelle génération où la famille redémarre dans le bon ordre pour les ovules. Je contamine par les lèvres, qui suis-je? Le rap 2.0 est là, avec Dailymotion CD2. Je te fais un crush pour ce souvenir. Petit baiser volant au volant, qui mène, qui sème les récoltes, génération DBZ. Le Canada, l'Amazon, sans sa zone, les hertiens sont fixes, mâles et femelles se mélangent. Les poissons se nourrissent d'eau pour de l'eau. La forêt est à javol pour une nouvelle donne qui surveille le grand œil. Mes ombres sont de lumière, je suis multiple, l'âme est au centre, les sens centrales sont décalés. Ou Matrix, la vitesse de la lumière par gravure de disque dans l'espace. Je fais une impasse, les États-Unis sont plus là. La matière noire remplit le vide comme le vent se manifeste. RAS, les militaires ont leur terre, fini la guerre. D'une fonctionne, les eaux et forêts de la jungle se rebellent. L'Algérie rap fonctionne et il bazar avec le 113 son là, alias Trika. On sait faire des films et on sait les réaliser pour être fixé avec Lucas Skywalker au Canada. Le BTP est suprême, la France a des terres pour qui et contre. La science progresse, fini les oublis de grossesse 6 mois durant. Les serveurs Inox avec ICFS 2.2.2 sont rikiki comme un minus place. Les places de parking sont électrifiées, les moteurs auto-alimentés par turbine. La nouvelle musique est ici et les catalogues V2 sont par là. 1001 fonctionnent sur ma montre, je démontre. Tout a été créé avec permission, j'ai le permis de tuer. Puce 3D fixe sur toutes les puces d'Al Capone. Le noyau Linux dans la processeur AMD. Port de pêche ouvert à Méditerranée sur la mer qui opère. Je me téléporte ici comme Sissi.